Les éditions de l'avenir présentent Qu'elle est verte ta vallée. Un texte de Mario Fecteau, paru à l'origine dans Tantôt, et lu par Ezoa, avec la participation de Christian Martin. Tu vis dans une belle vallée. À l'est et à l'ouest, le sol grimpe en pente douce et semble toucher le ciel. Au sud comme au nord, une barrière rocheuse referme la vallée. D'une caverne de la falaise nord jaillit une rivière qui serpente dans la plaine enchâssée, puis se jette dans un petit lac. Elle reprend ensuite sa route vers le sud, jusqu'à la falaise bordant l'autre bout de la vallée, et la quitta jamais par une autre caverne. Au centre de la vallée, près du lac, il y a le village. Quelques maisonnettes bien modestes qui forment une charmante communauté rurale, comme celle que tu as déjà vue dans les livres d'histoire. Le village n'a pas de nom, ni le lac, ni la rivière. De telles dénominations ne serviraient à rien. Il n'y a que le village, le lac et la rivière. Tu vis ici, au milieu d'un petit groupe. Ici, tout le monde te connaît. Et toi aussi, tu les connais tous. Du boulanger au boucher, du menuisier au forgeron. Tu connais les fermiers qui font pousser la nourriture. Tu connais le doyen du village, qu'on appelle simplement le philosophe. Tu vis dans une belle vallée, et tu en as pleinement conscience. Mais tu n'es pas heureux. Ta vallée est une prison. Parce que tu sais pourquoi tu es ici, et tu sais pourquoi les autres s'y trouvent. Comme toi, ils ont dérangé les plans du dictateur. Comme toi, ils ont reçu l'étiquette de criminel. Là se trouve votre point commun, la raison pour laquelle on t'a jeté avec les autres dans cette vallée. Pour ne plus nuire au divin chef, tu es le dernier arrivé et tu t'étonnes. Tu te demandes pourquoi personne ne quitte la vallée. Il n'y a pourtant ni gardien, ni enceinte fortifiée, ni système de surveillance, seulement une pente à gravir. Tu interroges le philosophe, qui te regarde en souriant. « Où voudrais-tu aller ?»« Ailleurs. »« Il y a pire, sais-tu. Pire que cette prison. »« Qu'y a-t-il de pire que la prison ?» demandes-tu. Et le vieil homme te regarde, et il hoche la tête, et son regard se remplit de tristesse. Un moment, une lueur brille dans ses yeux, et il semble sur le point de s'enthousiasmer. Mais il se contente de hausser les épaules. « Il y a pire, crois-moi. » Tu ne parviens pas à comprendre sa passivité, ni celle des autres. Ne sont-ils tous que des moutons pour accepter le piège de cette vallée ? Eux observent tes colères, un sourire mélancolique sur les lèvres, ce qui te rend encore plus furieux. Tu te jures que tu vas leur montrer de quoi tu es capable, et ils se souviendront que tu as échappé à ton destin. Tu décides de partir. Tu as soigneusement préparé tes bagages. Tu te remplis une gourde. Te prépare quelques provisions. Te procure un couteau pour te défendre ou pour attraper et dépecer ta nourriture. Tu te sais fin prêt pour ton évasion. Avant de te mettre en route, tu décides de saluer une dernière fois le doyen, car tu l'aimes bien, en dépit de sa stupide résignation. L'homme t'attend devant ta maisonnette. « Je m'en vais, » annonces-tu. « Adieu. »« À ce soir. »« Tu ne comprends pas. Je m'évade de cette prison. »« Tu reviendras ce soir. » Et tu t'éloignes, ruminant ta colère. Ne comprend-il pas que tu pars vraiment ? S'il te pense du genre à renoncer, il se trompe lourdement. Non, tu ne changeras pas d'idée. Tu t'évaderas bel et bien de cette cage dorée. Un jour, peut-être, tu reviendras le libérer. Il t'acclamera comme un sauveur. Et toi, tu en profiteras pour le narguer un peu, pour rire de sa passivité. Tu commences à grimper la pente est. L'escalade te semble moins difficile que tu l'avais craint, mais tu prends garde à ne pas hâter le pas. Tu ignores les difficultés que tu devras affronter hors de la vallée, Inutile d'épuiser prématurément tes forces, n'est-ce pas? Pour le moment, il te suffit de te concentrer sur ta progression, en respectant les pauses que tu as planifiées. À mi-pente, tu décides de souffler un peu. Tu ne résistes pas à l'envie de jeter un coup d'œil dans la vallée. D'ici, le village semble minuscule, et tout te semble si éloigné que tu t'interroges un moment sur la réalité de son existence. Tu sens la tristesse t'envahir, et tu décides de te remettre en route. Tu prends la résolution de ne plus regarder en arrière. Tu concentres ton attention sur tes chaussures, espérant ainsi éprouver de la surprise en parvenant au sommet de la pente. Sous tes pieds, l'herbe fait place à de la rocaille. Mais tu marches toujours. Finalement, l'angle de la pente s'amenuise enfin. Tu lèves les yeux et tu constates la proximité du sommet. Encore une dizaine de pas et tu franchiras la crête. Malgré ta résolution, tu presses le pas. Tu as hâte de voir ce qui se trouve hors de la vallée, ce qui retient les autres dans leur cage dorée. Presque en courant, tu franchis la crête. Et tu restes un moment saisi d'étonnement. Devant toi, il y a une autre vallée. Il te faudra y descendre et regrimper de l'autre côté. Mais tu refuses le découragement et tu t'engages sur la pente. Bientôt, l'herbe reprend la place que lui avait volée la rocaille. Tu jettes un nouveau coup d'œil dans cette nouvelle vallée et tu sens aussitôt un malaise t'envahir. Le paysage t'en semble beaucoup trop familier. Puis la stupéfaction t'envahit, car tu reconnais ta vallée. Tu te trouves sur sa pente ouest alors que tu avais grimpé la pente est. Alors tu comprends que le vieil homme disait vrai. Il est impossible de s'en évader. La vallée n'a pas d'issue. Ses concepteurs l'ont voulu ainsi. Résigné, tu reprends ta descente. Lorsque tu en rejoins le fond, le philosophe t'attend. Il t'a regardé venir. Tu attends le sarcasme, mais celui-ci ne vient pas. Le vieil homme te sourit, le regard plein de compassion. Tu devines alors que lui aussi est passé par là, sans doute lors des premiers jours de son incarcération. Et les autres aussi, vraisemblablement. Tu vis dans une belle vallée, bordée à l'est et à l'ouest par des pentes qui montent au ciel, et au nord et au sud par une paroi rocheuse. Ta vallée contient tout ce qui en fait un paradis. Il y a un lac et une rivière, une douce plaine et un petit village de jolies maisonnettes. Et tu sais, à présent, que tu ne peux la quitter. Comme les autres, le découragement te pousse à accepter ton sort. Tu comprends à présent, devant les merveilles de la vallée, ce que voulait dire le philosophe quand il affirmait qu'il existait pire que la prison. Tu le comprends parfaitement bien et tu es complètement d'accord. Tu sais aussi pourquoi aucun d'eux ne tente jamais de s'enfuir. Tout est si bien ici que tu pourrais te croire libre. Et il est là le piège. Oui, il y a pire que la prison. Il y a l'illusion de la liberté.